Chapitre 22. Jésus, Marie et Joseph entreprennent le voyage d'Égypte, accompagnés des esprits angéliques, ils arrivent à la ville de Gaza. Nos divins voyageurs sortirent de Jérusalem pour se rendre au lieu d'exil, cachés sous le silence et l'obscurité de la nuit, mais pleins de la sollicitude que leur imposait la garde du gage du ciel, qu'ils emmenaient dans un pays étranger où ils ne connaissaient personne. Et quoique la foi et l'espérance les soutinssent, car chez notre reine et chez son très fidèle époux, ses vertus étaient portées au plus haut degré possible, néanmoins le Seigneur leur laissa sentir cette peine, parce qu'elle était naturellement inséparable de l'amour qu'ils avaient pour l'enfant Jésus, et qu'ils ne savaient point en particulier tout ce qui pouvait leur arriver dans un si long voyage, ni quand ils finiraient, ni comment ils seraient reçus en Égypte étant étrangers, ni les commodités qu'ils auraient pour élever l'enfant, et d'abord pour lui adoucir la fatigue du chemin. La précipitation du départ leur causa de très grands embarras et de très grands soucis, mais leur douleur fut beaucoup diminuée par l'assistance des courtisans du ciel, car les 10 000 anges dont j'ai fait mention se manifestèrent aussitôt en forme humaine et avec leur beauté et splendeur ordinaire, de sorte qu'ils leur changèrent cette nuit en un jour très agréable. Et ils ne furent pas plus tôt sortis de la ville, qu'ils s'humilièrent devant le Verbe incarné, et l'adorèrent entre les bras de sa mère vierge, ils la consolèrent en lui offrant de nouveau leur service et leur obéissance, et en lui promettant de l'accompagner et de la conduire partout où le Seigneur l'ordonnerait. Le moindre soulagement paraît considérable à un cœur affligé, et comme celui-ci était grand, il fortifia beaucoup notre reine et son époux Joseph, de sorte qu'étant sortis de Jérusalem par la porte du côté de Nazareth, ils commencèrent leur voyage avec beaucoup d'ardeur. La divine mère eut quelque désir d'aller au lieu de la nativité, pour vénérer cette sacrée grotte, qui avait servi de premier asile à son très saint fils. Mais les saints anges répondant à sa pensée avant qu'elle l'eût exprimée, lui dirent, « Reine et maîtresse de l'univers, mère de notre Créateur, il faut que nous hâtions le voyage et que nous poursuivions notre route sans nous arrêter, car le peuple s'est ému à cause du détour que les mages ont pris pour ne pas retourner à Jérusalem, et à cause des paroles du prêtre Siméon et d'Anne. Plusieurs ont déjà dit que vous étiez la mère du Messie, d'autres, que vous saviez où il était, et d'autres encore ont avancé que votre fils était un prophète. On a porté divers jugements sur la visite que les rois vous ont faite en Bethléem, Hérode est informé de tout, il a ordonné qu'on vous cherche avec une grande activité, et vous ne devez pas douter qu'on y emploie toutes les diligences possibles. C'est pourquoi le Très-Haut vous a commandé de partir de nuit, et avec tant d'empressement. La reine du ciel obéit à la volonté du Tout-Puissant, qui lui était déclaré par les anges ses ministres, de sorte que, sans quitter le chemin, elle se contenta de saluer le sacré lieu de la naissance de son fils, se rafraîchissant la mémoire des mystères qui y avaient été opérés, et des faveurs qu'elle y avait reçues. Le saint ange qui gardait ce sanctuaire vint à leur rencontre sous une forme visible, et adora le Verbe incarné entre les bras de sa divine mère, et ce qui lui causa une nouvelle consolation et une joie singulière, c'est qu'elle le vit et lui parla. Notre miséricordieuse dame eut aussi envie de passer par Hébron, parce qu'elle se serait écartée fort peu de sa route, et que sa cousine et bonne amie Élisabeth s'y trouvait avec son fils Baptiste. Mais le soigneux Saint Joseph, qui était plus craintif, empêcha ce détour, et dit à sa divine épouse, « Chère dame, je crois qu'il nous importe beaucoup de ne pas retarder le voyage d'un moment, mais de l'avancer autant qu'il nous sera possible, afin de nous éloigner au plus tôt du danger. C'est pourquoi il n'est pas convenable que nous allions à Hébron, où l'on nous cherchera plus facilement qu'ailleurs. Votre volonté soit faite, répondit la très humble reine, mais je prierai, s'il vous plaît, un de ces esprits célestes d'aller informer ma cousine Élisabeth du sujet de notre voyage, afin qu'elle mette son fils à l'abri de la persécution d'Hérode, qui s'étendra sans doute jusqu'à eux. La reine du ciel pénétrait l'intention qu'Hérode avait de faire égorger les enfants, quoiqu'il ne l'eût pas encore annoncé, mais ce qui excite ici mon admiration, c'est l'humilité et l'obéissance de la très sainte Vierge, qui était en tout si rare et toujours accompagnée d'une si grande prudence, car elle n'obéit pas seulement à Saint Joseph en ce qu'il lui ordonnait, mais elle ne voulut pas même envoyer l'ange à Sainte Élisabeth sans son agrément, quoique la chose ne dépendît que d'elle, et qu'elle l'a pu exécuter mentalement par elle-même. J'avoue ma confusion et ma paresse, puisque je n'étanche point ma soif à la très pure source des eaux qui m'est ouverte, et que je ne profite pas de la lumière qui jaillit de pareils exemples, quelque doux, quelque puissant qu'il soit pour nous engager et nous obliger tous à renoncer à notre propre et pernicieuse volonté. Or, notre auguste princesse, après avoir consulté celle de son époux, chargea un des principaux anges qui l'assistait d'annoncer à Sainte Élisabeth ce qui se passait, et, comme supérieur aux mêmes anges, elle informa dans cette occasion mentalement son ambassadeur de ce qu'il avait à dire à sa cousine et au petit Baptiste. Le Saint-Ange se rendit auprès de l'heureuse Élisabeth, et selon l'ordre qu'il en avait reçu de sa reine, il lui apprit tout ce qu'il était convenable qu'elle sût. Il lui dit que la mère de Dieu allait avec lui en Égypte afin de se soustraire à la fureur d'Hérode, et de ne pas tomber entre les mains de ceux qui le cherchaient pour le faire mourir, et qu'il fallait qu'elle cachât le petit Baptiste pour mettre sa vie en sûreté. Il lui révéla aussi d'autres mystères du Verbe incarné, ainsi que la divine mère le lui avait ordonné. Sainte Élisabeth, remplie d'admiration et de joie par cette ambassade, dit à l'ange qu'elle souhaitait d'aller adorer l'enfant Jésus et voir sa très sainte mère, et s'informa de lui si elle pourrait les joindre. Le Saint-Ange lui répondit que son roi humanisé et la très pure mère étaient loin d'Hébron, et qu'il n'était pas convenable de les retarder, de sorte que la sainte fut obligée de se contenter de son désir, et ayant donné à l'ange de douces recommandations pour le fils et pour la mère, elle resta tout attendrie, et l'ambassadeur céleste alla rendre réponse à notre auguste reine. Sainte Élisabeth leur dépêcha aussitôt une personne en toute diligence, et leur fit parvenir par cette même voie une provision de vivres, de l'argent et de quoi faire des langes à l'enfant, prévoyant le besoin qu'ils en pourraient avoir dans un pays étranger. Ce messager les trouva dans la ville de Gaza, distante de Jérusalem d'environ 20 heures de chemin, située sur le bord de la rivière de Bezor, assez près de la Méditerranée, et sur la route qui conduit de la Palestine en Égypte. Ils se reposèrent 2 jours dans cette ville, parce que Saint Joseph se sentit assez fatigué, aussi bien que la petite monture qui portait notre grande reine. Ils congédièrent de là le domestique de Sainte Élisabeth, après que Saint Joseph lui eut recommandé de ne découvrir à personne l'endroit où il les avait trouvés. Mais le Seigneur prit un plus grand soin de prévenir cet inconvénient, car il ôta à cet homme le souvenir de ce que Saint Joseph lui avait recommandé de taire, de sorte qu'il ne se souvint que de la réponse qu'il devait rapporter à sa maîtresse Élisabeth. La charitable Marie partagea avec les pauvres les présents qu'elle en avait reçus, car celle qui en était la mère ne les pouvait pas oublier, et de l'étoffe que sa cousine lui envoya elle fit un voile pour couvrir l'enfant Dieu, et un manteau pour Saint Joseph propre à la fatigue du chemin et à l'injure du temps. Elle prépara aussi quelques-unes des choses qu'ils pouvaient emporter avec leurs pauvres bagages, parce que, quand notre très prudente dame pouvait subvenir par ses soins aux nécessités de son fils et de Saint Joseph, elle ne voulait point avoir recours au miracle, et en cela elle se conduisait selon l'ordre naturel et commun, autant que ses forces le lui permettaient. Elle fit quelques œuvres merveilleuses pendant les 2 jours qu'ils demeurèrent à Gaza, pour n'en pas partir sans y avoir communiqué de grands biens. Elle rendit la santé à 2 malades qui étaient en danger de mort, et guérit entièrement une autre femme paralytique. Elle opéra des effets divins, touchant la connaissance de Dieu et le changement de vie, dans les âmes de plusieurs qui la virent et lui parlèrent, et tous ressentaient de grands motifs de louer le Créateur. Ils ne découvrirent pourtant à personne leur pays, ni le dessein qu'ils avaient de passer en Égypte, parce que cette indication jointe au bruit que ces œuvres admirables causaient, aurait permis facilement aux émissaires d'Hérode de découvrir le chemin qu'ils tenaient, et de les atteindre. Je ne trouve point de terme assez expressif pour déclarer ce qui m'a été manifesté des œuvres que l'enfant Jésus et sa mère vierge faisaient le long de la route. Je n'ai pas non plus cette dévotion ni cette énergie que des mystères si admirables demandent. Les bras de la très pure Marie servaient toujours de lit au nouveau et véritable roi Salomon, Cantique 3, 7. Quand elle sondait les secrets de cette humanité et de cette âme très sainte, il arrivait quelquefois que le fils et la mère entraient dans de doux entretiens, que le divin enfant commençait, et qu'il formait des cantiques de louange, par lesquels il glorifiait tout d'abord l'être infini de Dieu, tous ses attributs et toutes ses perfections. À cet effet, sa divine majesté communiquait à notre auguste reine une nouvelle lumière, et des visions intellectuelles, dans lesquelles elle connaissait le très haut mystère, de l'unité de l'essence en la Trinité, des personnes, les opérations au-dedans de la génération du Verbe et de la procession du Saint-Esprit, comment le Verbe est toujours engendré par l'opération de l'entendement, et le Saint-Esprit inspiré par celle de la volonté. Non qu'il y ait aucune succession de priorité et postériorité, car tout est actuel en l'éternité, mais parce que nous percevons le mystère d'après les données de la durée successive du temps. Notre grande princesse pénétrait aussi comment les 3 personnes se comprennent mutuellement par un même acte d'entendement, et comment elles connaissent celle du Verbe uni à l'humanité, ainsi que les effets qui résultent en elle de son union avec la divinité. Par cette si haute science elle descendait de la divinité à l'humanité, et composait de nouveaux cantiques de louange et de reconnaissance, bénissant le Seigneur d'avoir créé cette humanité très sainte et très parfaite, tant pour l'âme que pour le corps, l'âme remplie de sagesse, de grâce et des dons du Saint-Esprit avec toute la plénitude possible, le corps très pur et très accompli au degré le plus éminent. Ensuite elle observait tous les actes si héroïques et si excellents de ses puissances, et après les avoir tous imités avec la proportion possible, elle bénissait et remerciait le Très-Haut parmi l'action de grâce de l'avoir choisi entre toutes pour être sa mère, et pour être conçue sans péché, et élevée à une gloire enrichie de toutes les faveurs de sa puissante droite, dont une simple créature put être capable. Pour exalter et glorifier ses mystères, et tant d'autres qui s'y trouvaient renfermés, l'enfant disait, Et la mère répondait ce que les hommes ni même les anges ne sauraient exprimer. Notre divine dame, au milieu de ces saints exercices, ne manquait pas de prendre le plus grand soin de son adorable fils, de l'allaiter 3 fois par jour, et de le caresser avec plus d'amour, d'attention et de tendresse, que toutes les autres mères ensemble n'ont jamais caressé les leurs. Elle lui disait quelquefois, « Mon fils, mon très doux amour, permettez-moi de vous interroger et de vous découvrir mon désir, quoiqu'il ne vous soit pas inconnu, mais pour avoir la consolation d'ouïr vos aimables réponses. Dites-moi, chère vie de mon âme, lumière de mes yeux, si le chemin vous fatigue, si les injures du temps vous incommodent, et ce que je puis faire pour votre service et pour adoucir vos peines ?» À quoi l'enfant Dieu répondait, « Ma mère, toutes les fatigues que j'endure pour l'amour de mon Père éternel et pour celui des hommes que je viens enseigner et racheter, à me paraissent très légères et très douces, surtout en votre compagnie. » L'enfant pleurait en certaines occasions avec une sereine gravité, comme l'homme d'un âge mûr, et l'amoureuse mère en étant affligée tâchait d'en pénétrer la cause, la cherchant dans son intérieur, qu'elle connaissait, et là elle découvrait que c'était des larmes d'amour et de compassion pour le salut des hommes, et à cause de leurs ingratitudes. Alors elle gémissait avec lui comme une plaintive tourterelle, elle le caressait et le baisait avec un respect incomparable comme une mère attendrie. L'heureux Joseph était souvent témoin de mystères si divins, et il en recevait quelques lumières qui lui adoucissaient les peines du voyage. De temps en temps il demandait à son épouse comment elle se trouvait, et si elle avait besoin de quelque chose pour elle ou pour l'enfant. Et il s'en approchait et l'adorait, lui baisant les pieds et lui demandant sa bénédiction. Et quelquefois il le prenait entre ses bras, de sorte que par ses consolations notre grand patriarche supportait aisément toutes les fatigues de la route, et sa divine épouse l'animait, prévoyant toutes choses avec un cœur magnanime, sans que son recueillement intérieur l'empêchât de veiller aux besoins extérieurs, et sans que ceux-ci puissent la faire descendre de la hauteur de ses sublimes pensées, et de ses fréquentes oraisons jaculatoires. Car elle conservait toujours et partout la même perfection, instruction que notre divine maîtresse me donna, ma très chère fille, pour arriver à comprendre et à imiter comme je le demande de vous ce que vous venez d'écrire, il faut que vous preniez pour modèle l'admiration et les affections que faisait naître en mon âme la lumière divine, au moyen de laquelle je savais que mon très saint fils s'assujettissait volontairement à la fureur barbare des hommes les plus méchants, comme il le fit à l'égard d'Hérode dans cette occasion, où nous fûmes obligés de fuir sa colère. Et comme il le fit dans la suite à l'égard des mauvais ministres, des pontifes et des magistrats, le Très-Haut fait éclater sa grandeur, sa bonté et sa sagesse infinie dans toutes ses œuvres. Mais ce qui excitait le plus mon admiration, c'était lorsque je voyais par une très sublime lumière que l'être de Dieu se trouvait en la personne du Verbe uni à l'humanité, que mon très saint fils était lui-même le Dieu éternel, puissant, infini, créateur et conservateur de toutes choses, et que la vie et l'être de cet inique roi dépendaient de ses bienfaits, de voir en même temps que l'humanité très sainte priait encore le Père éternel de lui donner de bonnes pensées, de lui accorder son secours et de nouvelles faveurs, et que, bien qu'il lui fût si facile de le punir, il s'en abstint, et tout au contraire obtint par ses prières qu'il ne fût point puni effectivement autant que sa malice le méritait, et quoique, par son impénitence, il ait fini par se perdre et se damner, il n'en est pas moins vrai que son châtiment n'est pas aussi rigoureux que si mon très saint fils n'eût pas prié pour lui. Je tâchais d'imiter cette conduite et tout ce qu'elle renferme de sa miséricorde et de sa mansuétude incomparable, car, en agissant de la sorte, mon divin fils et mon maître me montraient déjà ce qu'ils devaient enseigner dans la suite par ses exemples, par ses paroles, et par une pratique plus éclatante de l'amour des ennemis, Matthieu 5, 44, Luc 23, 34. Et lorsque je savais si bien qu'il cachait son pouvoir infini, et qu'étant un lion invincible, Isaïe 5, 29, il s'abandonnait comme le plus doux des agneaux à la fureur des loups ravissants, Jérémie 11, 19. Mon cœur se brisait et les forces me manquaient, Psaume 72, 26, tant je désirais de l'aimer et de l'imiter en son amour, en sa charité, en sa patience et en sa douceur. Je vous propose cet exemplaire, afin que vous l'ayez toujours présent et que vous sachiez comment et jusqu'où vous devez souffrir, pardonner et aimer ceux qui vous offensent, puisque ni vous ni les autres créatures n'êtes innocentes, ni exemptes de péché, et qu'il y en a tant au contraire qui méritent par leurs crimes réitérés les injures qu'on leur fait. Or, si les persécutions vous peuvent procurer le grand bien de cette imitation, quel sujet aurez-vous de ne les pas estimer et recevoir comme un très grand bonheur? De ne pas aimer ceux qui vous donnent les moyens de pratiquer ce qui est le plus sublime de la perfection, et de ne point reconnaître ce bienfait en ne regardant pas comme ennemi, mais comme bienfaiteur. Celui qui vous met dans l'occasion d'acquérir une chose qui vous est si avantageuse, après l'objet qui vous a été proposé, vous n'aurez aucune excuse si vous manquez en cela, car la lumière divine et ce que vous en savez vous le rend comme présent.